il s'agit en fin de compte de ces trois tobas. Il dit celui-là qui dit ça, il l'a dit dans l'Adal Shimariya et dans le Coran. Lakin alladhi yamdahu wa qala anhu mujtahid wa kadha. Lui, il ne vise pas ces trois, il vise la personne, une autre personne. Il vise un da'ya qui a loué cette personne-là. Lakin alladhi yamdahu wa qala anhu mujtahid wa kadha fi sharit ou fi ba'd al-ashrita wa aidan shakhs akhar حاله كحال هذا له كتاب اسمه الخلافة والملك وله كتب أخرى. Il lui a dit, celui-là, bon, ce qui a été dit à propos de la critique des compagnons, des prophètes et tout, et il a été dit par quelqu'un dans le livre Al-Adala al-Shima'iyya wa Dhilal al-Qur'an. Mais celui qui le loue, il dit de lui qu'il est mujtahid. Il dit de cette personne-là, de l'auteur de l'Adala al-Shima'iyya wa Dhilal al-Qur'an, il dit de lui qu'il est mujtahid. وَكَذَا فِي بَعْدِ فِي شَرِطْ أَوْ فِي بَعْدِ الْأَشْرَطَ. Il l'a dit ça dans un cassette ou dans plusieurs cassettes. وَأَيْضًا شَخْصٌ أَخْرَ. Et il loue une autre personne. شَخْصٌ أَخْرَ حَالُهُ كَحَالِ هَذَا لَهُ كِتَابٌ إِسْمُهُ الْخِلَافَةُ وَالْمُلْكُ. Il dit ça aussi à propos, il loue une autre personne qui est dans le même cas, ça veut dire il l'a catalogué dans le même cas que Sayyid Qutb, qui a un livre, il a dit لَهُ كِتَابٌ إِسْمُهُ الْخِلَافَةُ وَالْمُلْكُ وَلَهُ كُتُبٌ أُخْرَى تَكَلَّمَ فِيهَا عَنْ بَعْدِ الْأَنْبِيَاءِ. Et il a d'autres livres dans lesquels il a تكلم فيها عن بعض الأنبياء, il a attaqué certains prophètes. عن نوح مثلا فقال عنه لما قال إن ابني من أهلي قال غلبت عليه عاطفة الجاهلية. Il a dit, l'auteur de Khilaf al-Mulk, il a dit à propos de Nuh alayhi salam, quand il a dit In ibni min ahli, quand il a dit mon fils fait partie de ma famille, ça, c'est dans Sourate Hud, quand son fils mécréant s'est noyé dans le déluge, Nuh alayhi salam, il a dit In ibni min ahli, c'est mon fils il fait partie des miens, de ma famille. Et l'auteur de Khilaf al-Mulk, il a dit, d'après les propos de cette personne, il a dit غلبت عليه عاطفة الجاهلية. Il a dit, il s'est emporté par l'émotion, une émotion digne des gens de l'époque païenne. وعن يوسف, et il a dit au sujet de Yusuf, لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Il a dit à propos de Yusuf, quand il a dit à l'excellence, c'est-à-dire quand il a dit à l'aziz, il a dit اجعلني على خزائن الأرض, charge-moi de la mission de gérer les trésors de la terre. إني حفيظ عليم, je suis un vrai gardien, je suis un savant, je suis un gardien digne et je suis un savant. Et il a dit, quand il a dit ça, l'auteur du Kitab Khilafa wal Mulk, d'après les propos de cette personne, il a dit قال هذا دكتاتوري يطلب منصب الدكتاتورية كموسوليني في زمانيا. Il a dit celui-là est un dictateur qui cherche le poste de dictature comme Mussolini, le dictateur d'Italie, comme Mussolini à notre époque. Cheikh Albani, من الذي يقول هذا. Le questionneur, في كتاب الخلافة والملك للمودودي. Il dit ça, celui qui a dit ça, c'est le Maududi. Il a dit ça dans Kitab al-Khilaf al-Mulk. Cheikh al-Maududi, Cheikh al-Bani dit, c'est le Maududi. Al-Maududi, وَمَنِ الَّذِي يَمْدَحُ هَذَا الْكَلَامِ. Et qui loue cette parole, c'est-à-dire qui l'approuve et la loue, et la confirme, le questionneur. أَحَدُ الدُّعَاتِ مَدَحَهُمْ. Là, voilà, c'est le du'at qui est ciblé maintenant. Il a dit l'un des du'at les a loués. Cheikh Albani, لماذا لا تسميه. Il a dit pourquoi tu le nommes pas. هل تسميته غيبة. لماذا لا تسميه. هل تسميته غيبة. Est-ce que le fait de le nommer, de le désigner par son vrai nom, est-ce que c'est de la médisance, c'est de la médisance, est-ce que c'est la riba. إلا إن شاء الله هو الشيخ سلمان مدحه. Il a dit non, إن شاء الله c'est le Cheikh Salman. Il veut dire Salman l'Ouda. C'est lui qui l'a loué. Cheikh Al-Albani, ana aqulu laka madah al-kalam am al-mutakallim. Il a dit moi je te dis, est-ce qu'il a loué les paroles, c'est-à-dire ces paroles-là, ou il a loué celui qui les a dites. As-sa'il madahahum fi ashrata. Là, il commence à chercher des foufilles, on ne peut pas lui dire la. Il a dit il les a loués dans des cassettes. Cheikh Esma, fahimta su'ali. Cheikh Albani dit écoute, est-ce que tu as compris ma question.